égale qu'à ta cupidité. Tu ne penses qu'à ton image, qu'à apparaître devant les autres. Tu n'es qu'imbécile devant l'immensité. Tu ne penses qu'à ta fourmilière. Tu n'imagines même pas tout l'univers. Tu ne vois que la barrière. L'infini pour toi n'existe pas. Tu ne penses donc qu'à toi. Les autres sont là pour toi, pour te servir. Ta vie, on ne peut pas te parler. Ta vie, on ne peut pas te parler. Ah. On l'a pas. Pourtant, on ne peut pas négocier. Il n'y a que ta raison qui incombe. Aussi pâle de ton cœur devenu sale, je ne peux que te gâcher l'enthousiasme de la jeunesse. Me ment terriblement, me manquer.